pieds sur terre, analyser. Je vais surtout pas m'emporter. Les flatteries, les beaux discours répétés, ça ne va surtout pas m'emballer. Je peux pas m'habituer du plus câlin sera mon prince charmant. Celui qui dit je t'aime sans fin sera mon prince charmant. Celui qui saura me protéger sera mon prince charmant. Celui qui saura me combler sera mon prince charmant. Celui-là me séduira.